Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Bentornati nello spazio francofono ed europeo di Ondivago. Anna Raffaella Farao ritorna con un'altra pagina di approfondimento culturale e un tema dal sapore enciclopedico. Bonjour à tous. C'est en Bretagne, dans le Finistère Nord, que je vous conduis aujourd'hui, dans la petite ville de Roscoff. Alors, mettez-vous pieds nus, fermez les yeux et respirez à plein poumon. Ah ! Sentez-vous l'air iodé et les effluves odorants des algues ? Avant de poursuivre, les habitués savent qu'ils doivent se soumettre à un rébus. Alors, désensablez vos oreilles et activez vos méninges. Mon premier est la moitié d'une noix exotique. Mon second est un mammifère rongeur. Mon troisième est le dépôt qui se forme dans un liquide et qui tombe au fond du récipient. Mon quatrième est un mot enfantin. Et mon tout est un végétal chlorophyllien aquatique sans racines ni vaisseaux. Suivez-moi à marée basse, je vous raconte la belle histoire du docteur Louis Bagot et de sa création, la station balnéaire de Rockroom, et de la fantastique aventure des Johnnies. Mais avant, un petit point d'histoire sur la ville de Roscoff. L'étymologie du nom de Roscoff est issue du celtique. Il est formé de rose, qui signifie flanc de coteau, et de goff, qui signifie forgeron. En breton, Roscoff se dit Rosco. Il faut savoir que le breton est une langue celtique. Elle est parlée de nos jours par 206 000 personnes en Bretagne et est reconnue comme une langue régionale. Elle est apparentée au cornique, dialecte des Cornouailles, et au gallois pratiqué au Royaume-Uni. À l'origine, Roscoff était un petit village voué à la pêche et au commerce maritime. Ses habitants, les Roscovites, sont des exportateurs. Vers 1500, le commerce périclitant, ils deviendront corsaires au service du roi. Vers 1750, Roscoff devient un port de contrebande. En 1790, période de la Révolution française, la ville se détache de Saint-Paul-de-Léon comme une voisine. C'est au XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer et des premiers touristes, que la ville deviendra un lieu de santé reconnu grâce à la thalassothérapie, avec son premier centre, celui de Rockroom, créé par le docteur Louis Bagot. Il faut préciser que son climat exceptionnellement doux favorise la croissance des palmiers qui poussent sur son sol. Roscoff est une station balnéaire dynamique. Elle est le berceau de la thalassothérapie. C'est en 1899 qu'il fut fondé le premier institut marin où le docteur Louis Bagot accueille ses premiers curistes à Rockroom. C'est en cette fin de XIXe siècle que les rhumatismes articulaires chroniques et douloureux, maux répandus dans les campagnes bretonnes, que le docteur fait du traitement de cette affection l'un de ses chevaux de bataille. Il cherche alors le moyen de soulager ses malades atteints de rhumatisme. C'est en visitant les stations thermales de Vichy et Aix-les-Bains qu'il s'intéresse à la valeur thérapeutique de l'eau de mer, dont certaines vertus curatives sont connues depuis l'Antiquité. Après réflexion, il se demande alors pourquoi ne pas adapter le principe de la cure thermale à celui des bains de mer. La thalassothérapie moderne était née. La première grande idée du docteur fut de faire se mouvoir les malades dans l'eau de mer chauffée. Sa deuxième grande idée lui fut inspirée par sa deuxième passion, la climatologie. Il étudie alors l'influence du climat sur l'état des équipages des navires. Il poursuivra dans cette voie en collaborant avec les chercheurs de la station biologique de Roscoff, en menant pendant 10 ans une étude clinique sur le climat de la ville. Étude publiée en 1899 qui mettra en évidence la pureté et la tonicité d'un air riche en iode. C'est donc à cet endroit qu'il décidera de mettre en application ses idées en créant le premier institut marin de France sur un terrain au lieu dit « rocroum » qui signifie « le rocher penché ». Qu'il est possible d'observer encore de nos jours si vous vous rendez dans ce centre de thalassothérapie. Quelques baignoires d'eau de mer chauffées y sont installées. Vous écoutez On Divago avec Anna Raffaella Farao. Ondivago.com. Le docteur ira plus loin en préconisant des cures d'au moins 3 semaines, associant massage et rééducation motrice dans l'eau de mer. Il est recommandé aux curistes de marcher quotidiennement le long de la plage dans l'eau jusqu'aux genoux. On y soignera des malades atteints de rhumatisme chronique ou de neurasthénie, des enfants anémiés ou rachitiques pour lesquels une nette amélioration de leur état de santé est constatée. La renommée de Roscoff et de son bon air marin s'accroît et le docteur Bagot est sollicité pour participer à la fondation d'un sanatorium destiné à recevoir des enfants tuberculeux. Celui-ci sera bâti en 1901 sur la presqu'île de Peyrarydi en face de Rocroum. Le docteur correspondait avec des savants de l'époque, dont le célèbre René Quinton, qui découvrit au début du XXe siècle que la composition du plasma sanguin est très proche de l'eau de mer, à la suite de quoi il élabore un plasma marin en solution injectable. En 1941, l'Institut marin fut fermé au public car il fut occupé par les soldats allemands. Il ne réouvrira qu'en 1955 grâce à René Bagot, fils du docteur Louis Bagot, médecin lui-même. Le centre abritera des équipements modernes et affichera complet de mai à octobre. C'est alors que s'ouvrira à Quiberon, en Bretagne Sud, dans le Morbihan, un second centre de thalassothérapie. C'est grâce à l'action conjuguée de l'eau de mer, de l'air et de la lumière qu'il est possible de retrouver une forme d'équilibre. Jusqu'en 1989, les cures thermales étaient remboursées par la Sécurité sociale, ce qui n'existe plus depuis lors. J'espère que cette belle histoire vous aura passionné et que tout comme moi, vous deviendrez une thalassodépendante. Si Roscoff est fameuse pour son centre de cure, elle est tout aussi fameuse pour une plante à bulbe comestible qu'est l'oignon rose. C'est la belle aventure des Johnnies que je vous raconte là. Enfourchez votre vélo et suivez-moi sur les routes de Grande-Bretagne. Les cultures d'oignon rose sont issues d'une graine rapportée du Portugal par un moine au milieu du XVIIe siècle. Elles se développent essentiellement pour nourrir les équipages des navires de commerce. L'oignon rose se distingue des autres oignons par sa couleur rose foncé. Il est doux et juteux. Après cuisson, il fond délicatement en bouche. Très riche en vitamine C, c'est pour cette raison qu'il est l'aliment essentiel des marins qui partent pour de longs voyages sans escale. En 1830, Henri Olivier Roscovite commence à vendre ses oignons en Grande-Bretagne en faisant du porte-à-porte. C'est ainsi que démarre l'histoire des Johnnies ou Petite John. Ces marchands de tresses d'oignons qui ont fait la réputation de Roscoff jusqu'à nos jours. Ils étaient ainsi nommés par les Anglais jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Ils quittèrent Roscoff en vélo pour vendre leurs marchandises en Grande-Bretagne. Un musée s'est ouvert dans une ferme traditionnelle qui retrace l'histoire de ces aventuriers courageux qui, à coups de pédale, ont fait connaître ce bulbe. D'abord à pied, puis en vélo chargé de tresses, il sillonne durant tout l'été les rues anglaises, galloises et écossaises. Ceci a été possible grâce aux qualités de conservation naturelle de ces bulbes grâce au tressage. En effet, en ligaturant le collet de l'oignon, on empêche ainsi l'entrée de l'air, ce qui permet de les conserver pendant 6 mois. Chaque année, il y a la fête de l'oignon où il est possible de déguster tartines à la compote d'oignon, tarte à l'oignon, pain fourré à l'oignon, et bien sûr, l'inévitable soupe à l'oignon. Alors, gourmands et gourmets, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous désirez en savoir davantage, vous pouvez consulter le site suivant. roscoff-tourisme.com. La notoriété de Roscoff est vaste, car outre son passé historique richissime, elle est importante pour son centre de recherche et d'enseignement en biologie et en écologie marine, qui dépend du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. L'Observatoire océanologique existe depuis 1985 et il a pour but d'étudier le fonctionnement des écosystèmes et leur évolution. Vous ne pourrez quitter Roscoff sans visiter une entreprise originale, Algo Plus, qui est une conserverie artisanale d'algues alimentaires, et Biocéan, qui est le fournisseur de matières premières pour l'industrie de la cosmétique ainsi que la restauration. J'espère que cette balade bretonne vous aura oxygéné. Nous vous quittons comme d'habitude sur la solution du rébus, qui était « Mon premier est la moitié d'une noix exotique, il fallait deviner co provenant de la noix de coco. Mon deuxième est un mammifère rongeur, c'était le rat. Mon troisième est le dépôt qui se forme dans un liquide et qui tombe au fond du récipient. La réponse est li. Mon quatrième est un mot enfantin, il fallait trouver na. Et mon tout est un végétal chlorophyllien aquatique sans racines ni vaisseaux. La solution est corallina. Corallina rubens, qui est une algue marine formant de petits buissons roses très riches en calcaire, ce qui la rend dure et cassante. E a bientôt sur les ondes d'Ondivago. Abbiamo ascoltato la rubrica francofona di Ondivago con Anna Raffaella Farao. Tutte le puntate in francese sono disponibili sul nostro sito ondivago.com. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture.